On va parler avec Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. Tony, évidemment, c'était le Super Bowl hier, le 53e Super Bowl. Beaucoup de monde, si on voit sur les médias sociaux, ont trouvé ça plate, mais je pense qu'on est d'accord tous les deux. C'était pas le meilleur Super Bowl, c'est vrai que c'était pas le meilleur Super Bowl. Par contre, moi, je me rappelle des Super Bowls des années 90. Je sais pas quel âge que t'as, toi, Tony, là. Mais, j'ai 45 ans. Ah, ouais. On a le même âge, fait qu'on va se parler à peu près de la même. Il y a eu des Super Bowls des années 90, entre autres, entre les Cowboys de Dallas et les Bills de Buffalo. Puis lui qui me rappelle le plus, c'est les Chargers San Diego contre les 49ers, où c'était fini au troisième, au deuxième quart. Fait que, tu sais, à quelque part, là, le match hier, oui, ça a peut-être pas été un grand match offensif, mais par contre, c'était les petits détails qui ont fait la différence, où les petits détails devenaient tellement importants dans ce match-là. T'as tout à fait raison, Danny. Puis l'affaire, c'est qu'avec les Super Bowls, là, c'est le regroupement d'amis, puis il y a bien du monde. Fait que, tu sais, t'as regardes pas le match comme d'habitude dans un sens. Puis c'est, on disait la même chose. Nous, moi, j'avais des amis avec moi, mais on n'est pas beaucoup là. On est comme 6-7 là. Puis on se disait, j'ai dit, ouais, il y avait pas le gros jeu d'attaque, les beaux jeux, mais quand t'as regardé la reprise puis le jeu défensif que les parce que des deux côtés ils ont très bien joué défensivement là. Puis tu voyais là, c'était vraiment là, comme tu disais, des petits détails, ils ont vraiment bien exécuté. Puis juste de prendre le meilleur exemple, comment tu sais, le Brandon Cooks qui a échappé le ballon dans zone début là, que le défenseur des Pats, McCarthy, qui a traversé quasiment tout le terrain pour accrocher le bras pour qu'il échappe le ballon dans zone début, là. C'est un gros jeu, là. Ouais. Les gens vont dire, ah, il l'a échappé, mais oui, c'est un match défensif, puis c'est drôle parce qu'on parlait tellement, ils ont quand même, là, chapeau aux Patriots, là. C'est la deuxième meilleure équipe d'attaque, les Rams, avec en moyenne 33 points. Puis en finale de Super Bowl, ils ont seulement fait 3 points. Là, faut leur donner ça. Puis la grosse question aujourd'hui, Danny, c'est est-ce que les Pats ont été plus impressionnants ou les Rams ont été décevants? Moi, je vais dans le côté du côté des Pats qui ont été vraiment impressionnants. Chapeau à Bill Belichick. Puis la stratégie au niveau défensif, là, ça a été incroyable. C'est une équipe, écoute, qui a progressé tout au long de la saison, hein? Rappelle-toi la défaite contre Miami à Miami. Il y a bien des équipes qui se seraient écrasées par la suite, là. Mais non, t'sais, on a revenu, puis on a gagné le championnat, puis on est allé battre les Chiefs à Kansas City. Pas beaucoup de monde, dont moi, pensait que les Chiefs allaient gagner. Hier, Goff. Faut dire que Goff, écoute, je suis sur la page du LA Times, en même temps que je te parle, je regarde un peu ce qu'on dit à Los Angeles. On dit que Goff était pas prêt. Mais est-ce que les gens vont quand même, je trouve qu'on est, oui, c'est vrai dans un sens qu'on a vu des camps arrière qui avaient 24 ans gagner des Super Bowls. Par contre, Todd Gurley l'a pas aidé, là. C'est incroyable ce qu'on a. Non, Todd Gurley blessé au genou, par contre, là. Ouais, ben c'est ça la grosse question. C'est sûr, Gurley, ça a l'air qu'il a dit qu'il était en santé. On s'attendait à une déclaration peut-être après, dire oui, je suis blessé, mais je pense qu'on va avoir d'autres informations parce que c'est sûr que tu dis pas que je suis blessé au genou, puis là, les gens vont l'attaquer. Ça, c'est vraiment un grand mystère. Oui, Gurley l'a pas aidé, ou même CJ Anderson, mais pour venir à Goff... tu sais, Brady, il a vraiment pas connu un gros match non plus, hein. Fait que, c'est sûr que, mais on dirait, tu voyais Goff, il était nerveux, il était pas à l'aise, dans l'interception qu'il a lancée en fin de match, là. Il était sur le pied en arrière, là. Tu sais, il était pas, ses appuis étaient pas corrects, là. On est peut-être un peu trop rough, mais au niveau, pour venir aux Pats, oui, ils ont progressé. Puis comme tu sais, notre entrevue avec Machocha aussi là, la semaine passée, il était en mission là. Puis les Patriots ils ont pas accepté de dire hey, c'était fini puis tout ça. Puis gros match de Edelman puis toute la gang. Mais encore une fois, tu sais, les Patriots avaient mal commencé puis les Rams ont pas réussi à capitaliser. Il a été là. Moi je l'avais dit, ça se passe à première demi. Il était quand même chanceux d'être en arrière de seulement trois. C'était trois 3-0. Les Rams étaient quand même chanceux, mais les Patriots auraient pu augmenter l'avance dès le premier demi, la première demi, mais les Rams n'ont pas aidé. Puis, McVay a été out-coaché, comme on dit. Là, il a été dominé par Belichick et toute son équipe. Ce que j'ai également aimé, c'est le travail de la ligne offensive. On n'a pas vu Aaron Donald du tout du match. On a également utilisé le jeu au sol avec Sonny Michel, Rex Burhead également. Pas vu beaucoup James White, par contre, mais quand même. Donc, ce qu'on a fait, on a usé la défensive. On a vu au quatrième quart que la défensive commençait à pomper de l'huile, là, du côté des Rams. Exactement. C'est là que ça a commencé à payer. Puis c'est là, c'était là la grosse question. Moi, je me demandais si la ligne offensive des Pats aurait toughé pendant trois matchs de temps parce qu'ils ont connu de grosses séries éliminatoires, la ligne offensive. Puis, pour revenir à Brady au quatrième quart, là, ils ont fait les jeux qu'ils avaient à faire. Ils ont utilisé Gronk qui a joué un excellent match. Pardon? Il a bien joué, Gronk. Il a mieux joué au niveau bloqueur. Fait que c'est vraiment dommage. C'est sûr que c'est le record d'un match avec le plus bas pointage. L'autre, c'était Miami qui avait gagné 14-7 en 73. 72-73, ouais. Fait que c'est sûr que en tout cas, ça a été comme j'ai mentionné, les gens qui ça a été un gros match défensif. Les amateurs de football ont peut-être mieux apprécié ce match-là, mais on s'attendait plus. C'est incroyable. Grosse remise en question des Rams, mais seulement trois points pour une équipe qui en faisait 33 en moyenne pendant l'année. Meilleure attaque. Par contre, ils ont bien joué contre la Nouvelle-Orléans. Par contre, la deuxième moitié de saison, ça a été un peu plus difficile. Après leur victoire contre Kansas City, par la suite, ça a été un peu plus difficile pour les Rams. Oui, ça a été, comme on dit... En montagne russe. En montagne russe, oui, exactement. Puis Goff, on voyait un peu comment que Goff réagissait. Mais tu sais, je veux dire, c'est... Pour venir au match, là, pour venir aux Rams aussi, ils ont eu la défensive pour l'aider. Mais hier, encore une fois, on peut dire que la défensive fait gagner des championnats. Malheureusement. Effectivement. En tout cas, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que ça dépend comment. C'est sûr que quand on est parti à des pattes, ça nous aide à aimer encore plus davantage. Par contre, il faut le dire, comme j'ai dit au début de l'entrevue, moi, j'ai vu des Super Bowls des années 90, dans les années 90, qu'on n'était pas gâtés. C'était pas le meilleur, mais c'était pas un des pires non plus. Faut pas exagérer là-dessus. Est-ce que Rob Gronkowski a joué son dernier match avec les Pats? Moi, je pense que oui. Ouais, hein? Moi, je pense que oui. Il y a de l'air. Je sais pas si vous l'avez remarqué en début de match, là, quand il s'est fait plaquer, là, il boitait. Je pense que son corps, malheureusement, ne suit plus. C'est parfait pour un joueur comme lui de finir. Il a quand même gagné quoi, trois Super Bowls. Gronk, fait que moi je pense que oui. Je pense que son corps il est vraiment magané, comme on dit en bon québécois. Là, il va prendre. Il a mentionné hier soir qu'il va prendre quelques semaines pour y réfléchir, mais je pense que ça fait quand même une couple d'années qu'il a pas joué vraiment 16 matchs. Pendant toute une saison. Donc, c'est sûr que s'il sent, il va écouter son corps, là, c'est sûr qu'il va jouer un rôle. Comme hier, comme on a dit, il a vraiment joué un gros match au niveau du blocage pour créer des corridors pour le jeu au sol. Mais moi, je pense qu'il a joué son dernier match. Là. L'autre question, c'est encore Gurley. C'est vraiment un point d'interrogation parce que si vraiment ils l'ont mis de côté parce qu'ils ne sont pas satisfaits de son jeu, ça va brasser un peu les Rams, puis faut faire attention payé, pour... Pardon? Il a été très, très bien payé. Oui. Puis les Rams, là, faut pas s'en cacher. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont signé pour des contrats d'un an. Fait que je me demande jusqu'à quel point toute cette équipe-là va revenir l'année prochaine pour continuer, parce que ce matin, là, si jamais les contrats sont pas renouvelés, l'équipe sera plus la même. Et on voit déjà des cotes là, comme quoi les Chiefs seraient les favoris l'année prochaine. Mais en tout cas, si Brady revient encore, puis Belichick, là, faut toujours mettre les Patriots là, malheureusement. Pour un gars que, pas que je les déteste, là, mais on est un peu tanné de les voir là, mais il faut leur donner ça. C'est une grande dynastie. C'est une des meilleures équipes. Puis comme tu mentionnais dans les réseaux sociaux, Danny, Boston est une ville de champions. C'est incroyable, cette équipe-là. Puis il faut donner crédit à Kraft, le propriétaire. Ben, ça part de là. Ça tout part de là. Exactement. Puis les gens, autant dans le sport, autant dans les entreprises, faut prendre exemple de cette organisation-là là, jusqu'à la fin. Puis ça prend un petit nanane, comme on dit, une carotte au bout du bâton pour se faire dire pendant toute l'année que l'équipe est en déclin, puis ils sont pas supposés être là. Puis encore une fois, 6e Super Bowl, chapeau, félicitations Danny à ton équipe. Merci, mais c'est pas moi, je dois pas prendre quand même le crédit, j'ai rien à voir là-dedans, sauf que, tu sais, quelque part, écoute, moi-même, je m'attendais pas qu'elle allait gagner Kansas City, puis là, ils gagnent le Super Bowl, mais c'est de voir la progression de cette équipe-là vers le milieu de la saison, défensivement, on savait pas trop ce que ça en allait. Puis là, les gens qui se posent des questions, là, on est allé les voir. Mais les Pats, écoute, ils ont quand même plusieurs choix au repêchage qui s'en vient. Et Isaiah Wynn, qui était le joueur, le bloqueur, n'a pas joué de l'année. C'était leur premier choix au repêchage. Tout à fait, oui. Donc, je vais te dire, année après année, c'est une équipe qui a su développer un système. Tout à fait. Puis les gens qui comprennent pas là, tu sais comme là, Brian Flores, c'est lui qui appelle les jeux défensifs là, s'en va à Miami, ça va être officiel en fin de journée de lundi. Mais tu vois que Belichick, il est là derrière la défensive, puis la ligne offensive a été extraordinaire. Si elle continue ainsi, Sonny Michel, c'est le futur, la vedette des Pats, comme tu dis, il y a des choix au repêchage. Mais ça part du coach, ça part aussi du corps arrière parce que. Puis le gars, là, en tout cas, je sais pas si Brady, il vise vraiment à remplir ses 10 doigts avec une bague, là, mais c'est incroyable. Tant si longtemps, je dois le dire, là, puis il faut plus gager contre eux autres, mais tant si longtemps, le duo Belichick-Brady va être là, faut toujours les mettre dans les discussions pour le Super Bowl. OK. Tony, c'est pas terminé nos chroniques pour l'année. À partir de... On a au moins deux chroniques. On va se refaire au moins deux chroniques. Une dans les deux prochains vendredis. Pourquoi? Parce que on en a parlé de temps à autre, mais là, on va en parler encore plus cette semaine. C'est le début de la Ligue Alliance de football, donc qui est une ligue mineure, il faut le dire. Ça reste autour une ligue mineure, mais c'est pour la première fois depuis la Ligue Europe, il y aura du football de printemps. Moi, c'est pas que ça m'intéresse, ça m'intrigue. Un peu comme toi. Ben oui. Moi aussi, je vais cette semaine, si tout va bien, je vais faire un bon résumé. C'est quoi la Ligue Alliance, le site internet? Oui, ça nous intrigue. C'est la ligue de développement, c'est la ligue mineure. Et on a eu une nouvelle parce que le diffuseur officiel, c'est CBS Network. Et là, on a eu la nouvelle que NFL Network va présenter 19 matchs durant la saison. Donc, c'est une ligue avec beaucoup de joueurs universitaires qui ont comme une deuxième chance ou même du potentiel. Moi aussi, j'y crois. Ça va être intriguant. Moi, la seule affaire que j'espère, c'est que ça va être une ligue laboratoire où on va peut-être essayer des choses au niveau des règlements, Ça semble de plus en plus officiel. C'est pas c'est officieux, mais pas officiel. La NFL est derrière ça. Là. Écoute, les matchs à NFL Network, il n'y aura pas de joueurs tellement connus. Je vais te demander de sortir ceux-là les plus connus. Il y a quelques noms que je me rappelle, comme Zach Mettenberger, George Johnson, et ainsi de suite. Ouais. Par contre, les entraîneurs, eux, sont connus. Je vais vous nommer Michael Vick, je vais vous nommer Bill Polian, l'ancien directeur général des Colts d'Indianapolis. T'as également Mike Singletary, Heinz Ward, il est très impliqué également. On va en reparler davantage vendredi pour parler de tout ça. Et dans l'autre semaine, on va faire un compte-rendu de ce qui s'est passé et comment tu as trouvé ça. Par la suite, ça va être au besoin. Ben oui. Tony Guzzo, un gros merci. On s'en parle vendredi avec la Ligue Alliance de football. Merci, Danny. À plus tard. Du site internet lebitsnfl.com, Tony Guzzo.